sans la vie, mon petit sourire qui a tant plaisir. Elle est moins vine, c'est ainsi qu'est moi, ma fin de l'âme remplissie moi. Si vous êtes ça, ça vous porte bon moi. Tout tendresse, longtemps moins. Et j'en belle ou tout petit.